Cinquième pilier. Considération provenant de la croix. Mais parce que nous avons étudié ensemble lundi la doctrine de la substitution pénale, nous avons passé plusieurs heures en étudiant la croix. Donc, je veux prendre mon temps maintenant à lier le cinquième pilier au sixième. Le sixième, considération au sujet de la souffrance causée par la persécution. Cinquième, considération provenant de la croix. Sixième, considération au sujet de la souffrance causée par la persécution. Je vais présupposer ce que j'ai enseigné lundi et nous allons examiner ensemble quelques passages qui parlent de la croix, mais qui commencent avec la croix et terminent en effet avec notre persécution ou nos souffrances de persécution. Et donc, nous voyageons ensemble entre le cinquième, du cinquième pilier au sixième. Quelques passages et des leçons qui sortent de ces passages. Commençons avec Matthieu 16. Matthieu 16. J'ai déjà lu plusieurs versets à cet égard, surtout en ce qui concerne Pierre et sa confession que Jésus est le Christ, et ensuite le fait qu'il n'avait jusqu'à ce point pas compris que le Christ, le Messie, devait mourir sur la croix. Mais notez bien ce que Jésus continue à dire. Matthieu 16, 21. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise » et ainsi de suite. Verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? » Notez bien, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il se charge de sa croix. Je ne sais pas si vous avez la même expression en français, j'oublie. Je ne pense pas que nous l'avons au Québec au moins. Mais en anglais, des fois, s'il y a des problèmes dans nos vies, les chrétiens se disent l'un à l'autre, « Oh, nous avons tous une croix. » Est-ce que vous avez une expression? « Ah, il faut porter sa croix » ou quelque chose comme cela? Personne n'aurait pu le dire au premier siècle. Personne. Les Romains avaient trois manières d'exécution. Et la crucifixion était pour ceux qui commettaient la trahison, pour les esclaves. Aucun citoyen pouvait être crucifié sans la permission écrite de l'empereur. Donc, la crucifixion est toujours liée dans la mentalité publique avec la honte, avec terreur. Il n'y a pas de farce en ce qui concerne la crucifixion. Je ne sais pas si le livre a été traduit en français, c'était écrit en allemand, « La crucifixion » par Martin Hengel. Mais c'est certainement en allemand et en anglais. Et ça vaut la peine de lire. C'est seulement un livre de, quoi, 150 pages. Mais ça nous donne une esquisse de la réaction publique quand le monde croit, quand le mot croix ou le mot crucifixion était mentionné dans le premier siècle. Les parents se disaient, il ne faut pas mentionner ce mot devant les enfants. De même façon que ce n'est pas possible dans l'Occident, au temps présent, de faire des farces en ce qui concerne Auschwitz. Ce n'est pas possible. C'est trop horrifique. De la même façon, ce n'était pas possible de faire des farces en ce qui concernait la crucifixion. Ce n'était pas possible. C'était tellement associé avec la honte et avec tout ce qui est méchant et cruel. Quand quelqu'un était condamné à la crucifixion dans l'Ancien Monde, le bois vertical était déjà à la place de crucifixion, déjà dans la terre. Puis on battait la victime de nouveau après la condamnation. Ensuite, il lui fallait porter le bois, le membre horizontal, sur ses épaules, à la place de crucifixion. Et ensuite, on le crucifiait. C'est ça que ça voulait dire, porter sa croix. Donc, quand on porte sa croix, ça signale, il n'y a plus d'espérance. Il y a seulement la torture. Il y a seulement la mort. Il n'y a pas d'autre chose. Mais maintenant, nous avons des croix qui sont suspendues de nos oreilles. Nous avons des croix sur nos bâtiments. Nous faisons même des farces. Porter sa croix à cause nous avons mal aux dents ou quoi. Nous avons tous une croix à porter. C'est pas croyable. C'est une croix tellement domestiquée. Dans le premier siècle, ce n'était jamais comme cela. Donc imaginez-vous, Jésus parle à ses disciples. Quoi? Pour les encourager? Et il dit, c'est presque pas croyable, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Dans une culture comme cela, avec des associations comme cela, et même ailleurs, il dit qu'il se porte sa croix quotidiennement. Oh, la joie d'être crucifié quotidiennement. Et Jésus dit, vous ne pouvez pas être mes disciples. À moins que vous preniez votre croix. Qu'est-ce que ça signale? Mais c'est bien évident pour la grande majorité des chrétiens, c'est une métaphore. On ne nous crucifie pas d'un sens littéral, pour la plupart. Mais ça veut dire quand même, c'est la fin de notre vie. Et c'est pénible, ça. C'est la fin de notre vie, c'est le commencement d'être ses disciples, faire sa volonté. Et ce qui nous attend immédiatement, c'est pénible, c'est difficile, ça peut être même la torture, mais aussi c'est la vie. Et ce n'est pas tout simplement ce passage, c'est quelque chose qui est enseigné par Jésus d'une façon ou d'une autre, à maintes reprises, par exemple. Les béatitudes, Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Notez bien la première, verset 3, et la dernière, verset 10, ont la même récompense. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Quand il y a une série, et le premier membre et le dernier membre sont pareils, C'est une forme littéraire qui signale l'inclusion, c'est-à-dire il faut comprendre toute la liste sous ce topic. Donc, ce sont les béatitudes du royaume, en effet. Et le dernier dit, « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des dieux est à eux. » Et ensuite, Jésus explique davantage ce dernier. « Heureux serez-vous, » verset 11. Donc, il change la forme. Ce n'est plus troisième personne. « Heureux ceux. » Maintenant, il s'adresse immédiatement à ses lecteurs ou ses auditeurs. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Eh bien, encore une fois, Jésus insiste que ses disciples sont bénis, heureux, oui, ce n'est pas exact, ils sont bénis, approuvés par Dieu, bénis, et dans ce sens, heureux, parce qu'ils s'alignent ainsi avec les prophètes de l'histoire du salut qui ont déjà été persécutés. Et en plus, la persécution ici n'est pas tout simplement quelque chose de pénible du point de vue physique, mais cela inclut même les insultes. Dans l'Occident, aujourd'hui, en général, il n'y a pas de persécution physique. Certainement pas comme dans bien d'autres pays. Quand j'étais tout jeune, au Québec, entre l'année 1950 et l'année 1952, ceux qui voulaient implanter des églises évangéliques au Québec, dans ces années-là, des pasteurs baptistes ont passé une totalité de 8 ans en prison au Québec, dans une démocratie. Bon, ce n'est pas comme ça aujourd'hui, mais c'était comme ça quand j'étais jeune. Et de temps en temps, nous, les enfants, nous étions battus à cause du fait que nous étions des maudits protestants. Ah, ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Mais quand même, dans l'Ouest, les insultes pour les chrétiens sont pas rares. Surtout dans quelques cercles. Surtout, par exemple, dans les cercles universitaires ou dans les cercles des médias et ainsi de suite. N'est-ce pas? C'est pas rare. Ils sont bigots. Sont intolérants ou quoi que ce soit. N'est-ce pas? C'est pas rare. Et cela aussi nous aligne avec les prophètes qui nous ont précédés. Ce que Jésus dit. Et vous êtes heureux. Vous êtes bénis, approuvés par le Père. C'est remarquable, n'est-ce pas? Et, en plus, ce n'est pas tout simplement que nous nous alignons avec le Christ qui est mort sur la croix et maintenant il nous faut porter la croix aujourd'hui, mais c'est aussi une grâce qui est liée même à notre foi. Vous vous souvenez du passage que j'ai mentionné brièvement hier soir, Philippiens chapitre 1, Philippiens chapitre 1, à partir maintenant de verset 27. Versets 27 à verset 30. Seulement, Philippiens 1, 27, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Notez bien encore une fois la centralité de l'évangile. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. En soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer et que vous l'apprenez, je livre encore maintenant. C'est remarquable cela. Il vous a été fait la grâce, non seulement de croire, mais de souffrir pour lui. La grâce! C'est pour cette raison que les apôtres se sont réjouis quand ils ont commencé d'expérimenter la persécution dans le livre des Actes des apôtres. C'est tellement le contraire de ce que nous attendons aujourd'hui. J'ai un grand nombre d'amis et de connaissances, de collègues qui travaillent dans les universités de l'Occident, toutes sortes d'universités. Et notre tentation, c'est toujours de chercher le bien-penser, chercher d'être approuvé par nos collègues académiques. C'est beaucoup plus important que d'être approuvé par Jésus, après tout. Ils se trouvent dans le bureau à côté. Mais si nous voulons être approuvés par le monde universitaire, c'est presque impossible d'être véritablement fidèle à Jésus. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut être tellement fou que franchement tout le monde se fâche contre nous parce que nous sommes arbitraires ou méchants ou nous avons une langue assez lâche ou quoi que ce soit. Non. Il faut que nous soyons des personnes d'intégrité et de gentillesse, que nous parlions doucement, avec vérité et amour et respect et tout cela. Mais en fin de compte, il faut que nous répétions que nous donnions témoignage de l'Évangile. Et cela ne va pas nous gagner grand respect. Et c'est le prix à payer. Et si ça nous gagne des insultes, nous devons sourire et dire « Grâce à Dieu, il m'a donné à la fois la vraie foi en Christ et le privilège de souffrir pour lui. Quelle grâce !» Et cela nous donne encore du courage, n'est-ce pas? Si nous fuyons cela, nous allons commencer à perdre notre témoignage. Et au nom même d'essayer de gagner encore que le monde nous approuve afin d'augmenter notre témoignage, ce que nous perdons, c'est notre témoignage. C'est difficile, n'est-ce pas? Mais c'est une grâce. C'est une grâce. Mais la chose surtout que je veux souligner, c'est que cette grâce, est liée à l'Évangile, est liée à la croix. Par exemple, 1 Pierre, chapitre 2, verset 18. Serviteur, 1 Pierre 2, 18, serviteur, et en réalité, encore une fois, ce sont des esclaves. L'apôtre Pierre écrit aux esclaves chrétiens. Soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles, car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu. Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. Car c'est à cela, en effet, que vous avez été appelés. Comme chez Philippiens, chapitre 1, comme chez Jésus, Matthieu, chapitre 16. C'est pas rare dans le Nouveau Testament. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés. Pourquoi? Parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple. Des fois, nous sommes tellement fidèles à souligner la substitution pénale, que nous oublions que la croix est aussi un exemple. Ce n'est pas seulement un exemple, Mais ce n'est pas moins qu'un exemple. Nous commençons avec la substitution pénale de Jésus-Christ, tout ce qu'il a souffert, et nous trouvons dans cette croix à la fois la victoire sur le diable, la réconciliation avec Dieu, et aussi ici un exemple, un exemple. En effet, c'était intrinsique à l'expression « porter sa croix ». Jésus est allé à la croix. Nous autres, nous aussi, nous portons la croix. Et même ici, expressément, Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple. Eh bien, nous ne pouvons pas l'imiter complètement, comme les prochaines lignes indiquent. Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte. À ce point, nous pouvons agir comme lui, n'est-ce pas? Souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. À ce point, nous pouvons l'imiter, n'est-ce pas? Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, on arrive au point où nous ne pouvons pas l'imiter exactement. Mais c'est à cause de sa souffrance pour nous qui nous a sauvés que sa souffrance parle d'une voix tellement vive. Il faut l'imiter parce que c'était par cette manière que nous avons été sauvés. Dire qu'il est notre Seigneur, que nous sommes sauvés par la grâce, par la croix, et continuer à refuser, en effet, de le suivre dans cette manière, c'est comme si nous nions la croix. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Donc, prendre position pour la substitution pénale de Jésus-Christ, sans aussi prendre position pour l'importance de le suivre dans la souffrance, est de nier ce qui est central dans la croix, soit l'un côté, soit l'autre. Il y a des personnes qui, du point de vue d'orthodoxie, du point de vue de souligner l'importance de la substitution finale, sont aussi orthodoxes que l'apôtre Paul. Mais ils n'ont pas son esprit. Lui qui croit qu'il a reçu la grâce, non pas tout simplement de croire, mais aussi de souffrir. Il y a un si grand nombre de passages que nous pourrions examiner. Dans Jean 16, par exemple, Jésus dit que le serviteur n'est pas plus élevé que son maître. Si le maître t'a insulté, ce n'est pas surprenant qu'on insulte les serviteurs. Mais peut-être nous pourrions lire quelques versets de 2 Corinthiens 11. Maintenant, il faut comprendre le contexte. Il faut comprendre le contexte. Vous avez entendu ce mot « contexte » avant, je crois. Paul se trouve dans une situation extrêmement difficile. Quelques prédicateurs, quelques pasteurs, on ne sait pas qui, sont présentés à l'église à Corinthe et ils étaient des triomphalistes, en effet. Ils étaient plus avancés. Ils étaient plus spirituels. Oui, l'apôtre Paul a eu de bonnes révélations dans le passé, mais est-ce qu'il parle quotidiennement des révélations qu'il a reçues? Non. Quel signe est-ce qu'il offre pour prouver qu'il est véritablement apôtre? Mais nous parlons avec Dieu quotidiennement. Nous recevons quotidiennement des révélations de lui. Et par la force de leur personnalité, par la force de leur argumentation, par la force de leur voix de commande, ils commencent à tirer l'Église à un Jésus-Christ triomphaliste. Pas un Jésus-Christ crucifié, mais un Jésus-Christ triomphaliste. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul peut faire? Comment est-ce qu'il peut répondre? Oh, l'apôtre Paul, il écrit pas mal, hein? Il y a quelques livres publiés qui ne sont pas pires. Mais quand il prêche, franchement, c'est un amateur. Et ça, dans une société où la rhétorique avait grande importance, ce n'est presque pas comme cela dans l'Ouest. Un peu, ça reste ici en France et dans le monde francophone, un peu, mais pas comme c'était autrefois. Parce que la télévision et les ordinateurs et tout cela, ces médias nous donnent des têtes qui parlent. Aujourd'hui, il y avait un grand désastre en Chine, 300 000 personnes ont perdu leur foyer. Maintenant, le football. Puis il n'y a pas de proportion. On perd la capacité de contrôler la foule par la rhétorique. Mais dans le premier siècle, dans le monde grec, la rhétorique avait une grande importance. Et donc, on pouvait dire de l'apôtre Paul, oui, il écrit assez bien, oui. Mais franchement, quand il parle, il est encore amateur. Qui veut dire que ses prédicateurs dans l'Assemblée se pensaient orateurs. Comment est-ce que Paul va répondre à cela? S'il dit, non, je peux vous présenter mes qualifications. Donc, il tombe dans le même piège. C'est-à-dire, il essaie de se présenter et se défendre en présentant ses qualifications. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait d'autres choses, donc vous devez me suivre. Mais s'il ne le fait pas, il va perdre la congrégation. Comment répondre? C'est ça qui contrôle la pensée de 2 Corinthiens chapitre 10 à chapitre 13. J'aimerais bien prendre le temps de suivre le train de la pensée dans ces chapitres, mais c'est ça qui contrôle la pensée. Eh bien, on commence dans chapitre 11, verset 16. Je le répète. Que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, accepte-moi comme un insensé, afin que moi, je me glorifie un peu. Il doit se glorifier, dans un sens, parce qu'il doit présenter ses qualifications. Mais s'il le fait, ce n'est pas Paul le chrétien qui le fait, c'est Paul l'insensé. Donc, j'aimerais que vous m'acceptiez comme un insensé pour quelques minutes. C'est ça qu'il dit, en effet. Ce n'est pas Paul le chrétien qui parle, ce n'est pas Paul l'apôtre qui parle, c'est Paul l'insensé. Acceptez cela pour quelques instants. Donc, je vais vous présenter mes qualifications. Ce que je dis, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme hors de sang, avec l'assurance d'avoir de quoi me glorifier. Donc, il ne peut pas parler comme cela dans le Seigneur, c'est-à-dire comme un chrétien. Il ne peut pas le faire. Puisque beaucoup se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Vous supportez si volontiers les insensés, vous qui êtes sensés. Vous supportez en effet qu'on vous asservisse, qu'on vous dévore, qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage. Je le dis, c'est une honte. Il semble que nous avons montré de la faiblesse. Moi, je ne peux pas faire tout cela, je regrette, mais le sarcasme. Hein? Puis il continue. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, je ne parle pas en chrétien, mais je parle en insensé. Moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Probablement, ça signale non pas tout simplement qu'il est juif, mais qu'il a été élevé dans la tradition juive avec la langue. Il pouvait parler hébreu dès sa jeunesse. Il avait la culture, la formation, malgré qu'il connaissait le grec et la littérature grecque. C'est bien évident dans ses citations. Quand même, il était aussi élevé en hébreu. Sont-ils israélites, c'est-à-dire véritablement juifs, 100%? Moi aussi. Sont-ils de la descendance d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants. Ce n'est pas Paul l'apôtre qui parle, c'est Paul l'insensé. Je le suis plus encore. Et à ce point, qu'est-ce qu'on entendrait? Ce qu'il aurait dû écrire à ce point, s'il voulait continuer comme la voix de l'insensé, il aurait dû écrire « J'ai implanté plus d'églises, j'ai prêché plus de sermons, j'ai écrit plus de livres, j'ai vu un plus grand nombre de convertis. » C'est ça qu'il aurait dû dire. Mais qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il ne peut pas venir à la place où il donne de telles qualifications, il met la liste à l'envers. Il se glorifie dans toutes les choses que le monde grec trouverait honteuses. Je suis encore plus, il dit. Comment? Par les travaux bien plus. Vous devez savoir que dans le monde grec, ceux qui étaient des professeurs, des instituteurs, en effet, ne travaillaient pas, c'est-à-dire avec leurs mains. C'était honteux. Ça signalait qu'ils étaient des amateurs. Il fallait travailler avec leurs mains pour payer les dépenses. Hein? Mais quelqu'un qui était vraiment bon professeur, il ne travaillait pas avec leurs mains. Parce qu'ils étaient suffisamment payés pour manger, pour vivre, pour survivre avec les paiements qu'ils recevaient comme professeurs. Mais moi, il dit, oui, par les travaux, c'est-à-dire par la main, c'est ça qu'il veut dire. Par les emprisonnements, bien plus. J'ai été en prison plus souvent que les autres. Maintenant, pour nous, nous lisons ça, oui, c'est un grand héros de la foi. Mais dans le temps, il n'y avait pas déjà un héritage de persécution. C'était le premier siècle, la première génération. Il dit, vous voulez voir mes qualifications? J'ai été en prison plus souvent que les autres. Vous voyez, toute une liste de choses honteuses. Par les coups, bien davantage. Souvent en danger de mort. Donc, ce n'est pas une vie de méditation, de contemplation, de vivre de livres profonds. Non. En danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. J'ai été battu plus souvent que les autres. Parce que les membres des synagogues ne m'ont pas aimé. 3 fois, j'ai été battu de verge, c'est-à-dire par les Romains. 1 fois, j'ai été lapidé. Nous connaissons cette histoire. 3 fois, j'ai fait naufrage. Et ça, c'est avant naufrage d'Actes des Apôtres, chapitre 27. Ça fait 4. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères. Oui, un peu de sarcasme encore. Au danger et à la peine, souvent dans la veille, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. Et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Voici mes qualifications. C'est la liste à l'envers, vous voyez? Qui est faible, que je ne sois faible, qui vient tomber, que je ne brûle. Maintenant, versets 30 à 33. À nos écoles de dimanche, nous racontons l'histoire de l'apôtre Paul quand il était converti sur le chemin vers Damas. Il était là pour un bout de temps, puis il a prêché, puis en fin de compte, les Juifs voulaient le persécuter. Il a fui la ville dans un panier. C'est merveilleux, hein? Glorieux. Mais ce n'est pas comme cela que Paul a compris l'affaire. Chaque pays a un médal, surtout honorable pour les guerriers. Souvent, on le donne après la mort, parce que ça a pris la mort pour le gagner. En Angleterre, c'est the Victoria Cross. Aux États-Unis, c'est the Medal of Honor. En français, Et en Suisse? On ne fait pas la guerre, ils ne croient pas à la guerre en Suisse. Oui. Ils ont perdu toutes leurs médailles. Mais en France, c'est la Croix de guerre, oui, exactement. Et dans l'Empire romain. Dans l'Empire romain, le médaille avec le plus d'honneur était donné, on l'appelait le médaille de la mûre, parce que c'était donné aux soldats au rang de centurion ou plus élevé qui était le premier à sauter la mûre à la fin d'un siège. Vous voyez? Parce qu'en général, les premiers soldats qui ont réussi, en fin de compte, ils étaient tués. Donc, sauter un mur, avancer sur un mur, ça gagne un médaille. L'apôtre Paul dit, moi, j'étais le premier à descendre. N'importe qui dans le premier siècle l'aurait compris comme cela. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui a béni éternellement, sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille, le long de la muraille, et j'échappai à ses mains. Vous voyez? Il mentionne la chose qui est déshonorable en son vue. C'est remarquable, n'est-ce pas? Et dans les versets suivants, il continue de la même façon. Apparemment, ces faux prédicateurs ont insisté que, oui, l'apôtre Paul, sans doute, a eu une bonne révélation sur la rue de Damas, mais est-ce qu'il a reçu des révélations tout dernièrement? Hein? Le Seigneur me parle quotidiennement, mais Paul, il parle toujours du passé. Il continue, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ. C'est qui ça, cet homme en Christ? C'est bien évident, dans quelques versets, qu'il parle de lui-même. Mais il ne peut pas dire, il a tellement honte de se glorifier. Il ne peut pas dire, je vais vous raconter des expériences extraordinaires de révélation. Il parle plutôt d'un homme en Christ. Un homme en Christ, c'est-à-dire un chrétien, pas même un apôtre. Je connais un apôtre avec bien des avantages. Hein, puis il parle de lui-même, non. Je connais un homme en Christ, un chrétien, qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps, je ne sais, était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut ravi jusqu'au troisième ciel. Les Juifs parlaient des fois de trois ciels ou même de sept ciels, ça dépendait de la littérature. Quand ils parlaient de trois ciels, le premier ciel était l'atmosphère, la place des oiseaux. Deuxième ciel, c'était la place des étoiles, des planètes, et ainsi de suite. Troisième ciel, c'était le foyer de Dieu, la maison de Dieu, en effet. Donc, ça veut dire tout simplement, il était ravi dans la présence de Dieu. C'est tout ce que ça veut dire. Dieu le sait. Fut ravi jusqu'au troisième ciel. Et je sais que cet homme était-ce dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis. Les Juifs parlent de trois paradis. Premièrement, le paradis d'Éden, au commencement. Troisièmement, le paradis des nouveaux cieux de la nouvelle terre. Et entre les deux, le paradis caché, c'est-à-dire caché de nos yeux, mais quand même la présence de Dieu. Donc, s'il était ravi au paradis, ça voulait dire encore une fois, par une autre façon de parler, qu'il est entré dans la présence de Dieu. Donc, les deux expressions, troisième ciel, au paradis, les deux cas, ça signale qu'il était ravi dans la présence de Dieu. Et il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes faiblesses, vous voyez? Si je voulais me glorifier, c'est-à-dire en disant que c'était moi cet homme-là, si je voulais, je ne serais pas un insensé. C'est-à-dire, c'était en réalité lui. Mais il ne peut pas même se mettre à le dire. Hein? Si je voulais, mais je ne peux pas. Car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi à cause de l'excellence de ses révélations. C'est-à-dire, pour la plupart, nous passons nos vies espérant que le monde pense bien de nous, que nos frères et sœurs en Christ pensent bien de nous. Et nous avons grande crainte qu'ils ne vont pas suffisamment penser bien de nous. Paul avait une crainte au contraire. Il avait peur que le monde pense trop de lui. Parce qu'il sait bien que si le monde pense trop de lui, ça ôte la gloire de Jésus-Christ. Il savait comment porter sa croix. C'est remarquable, n'est-ce pas? De voir une génération et des assemblées après des assemblées après des assemblées après des assemblées où le point, c'est de contrôler, de s'avancer, d'être le premier. Ça indique une génération de chrétiens qui ne savent pas comment porter la croix. C'est si simple que cela. Si horrifique que cela. Ce qui nous encourage, c'est que Paul avait dû confronter cela dans le premier siècle. Dans chaque génération, ça revient. Et la marque de la maturité, ce n'est pas que quelqu'un présente ses qualifications pour mieux avancer son carrière, mais plutôt, il annonce le Christ, il annonce l'Évangile, il prend sa croix, il se réjouit dans la gloire de Dieu. Encore un autre passage, Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. De même façon qu'il faut lire Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5 ensemble, c'est une vision. En réalité, nous serions sages si nous avions le temps de lire chapitre 12, 13 et 14 ensemble. Encore ces trois chapitres vont ensemble, mais nous n'avons pas le temps. Chapitre 12 de l'Apocalypse nous introduit au diable. Et chapitre 13, les deux bêtes, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Et ces trois, le diable et les deux bêtes, constituent une espèce de trinité fausse, c'est-à-dire une anti-trinité. Et le langage utilisé par l'écrivain, surtout dans chapitre 13, nous fait souvenir du langage de l'apôtre Jean en ce qui concerne la Sainte Trinité. Mais maintenant, c'est pour cette anti-trinité. Donc, nous commençons à voir cette bataille cosmique, quasiment. Vous voyez? De même, il y a une bataille cosmique derrière l'histoire dans le livre de Job. Maintenant, il y a une bataille cosmique, pour ainsi dire, entre Dieu, entre la Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, et cette anti-trinité, le diable lui-même et les deux bêtes. C'est une vision fantastique. Et encore, il y a un grand nombre de symboles. On commence avec, on dit, un grand signe, un signe apparut dans le ciel, chapitre 12, verset 1, une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Et elle a enfanté un enfant, verset 5, elle enfanta un fils, un mâle qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Presque tout le monde reconnaît que ça parle de Jésus-Christ. La question à soulever, donc, est-ce que cette femme est Marie? La réponse, non, certes pas. C'est plutôt le peuple de Dieu, soit de l'Ancienne Alliance, soit de la Nouvelle. Parce que nous lisons déjà dans verset 17, par exemple, « Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. » La femme, donc, c'est le peuple de Dieu. De même façon que la fille de Sion dans l'Ancien Testament veut dire le peuple de l'Alliance, de même la femme ici, c'est le peuple de l'Alliance et de ce peuple vient le Seigneur Jésus. Elle a enfanté un fils, le Seigneur qui doit régner, qui doit prendre le sceptre. Maintenant, il n'y a pas d'emphase ici dans ce chapitre de ce qu'il a fait, de sa souffrance et tout cela, parce que ça a déjà été couvert dans chapitre 4 et chapitre 5, la vision qui a été mentionnée encore ce matin par notre frère. Mais maintenant, l'emphase est sur les enfants de cette femme qui sont encore sur la terre. Lui, il a été enlevé vers Dieu, verset 5. Et la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Je n'ai pas le temps d'aborder tout le symbolisme et tout cela. J'aimerais bien, mais ça c'est un autre cours. Mais dans versets 10 à 12, il y a un combat, en effet, dans les cieux et verset 7 à 9 plutôt, il y a un combat dans les cieux et Satan, le serpent ancien, appelé le diable ou Satan, qui a séduit toute la terre habitée, il a été précipité sur la terre et ses anges ont été précipités avec lui. C'est-à-dire une autre vision de leur faillite, de leur du fait qu'ils sont vaincus, voilà. Donc, de même que Jésus a été crucifié et a été ressuscité et qui règne déjà, de même dans les domaines cosmiques, dans les cieux, Satan lui-même a été vaincu. Ensuite, nous lisons. « Alors j'entendis, verset 10, dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. » C'est-à-dire, le royaume s'avance maintenant. C'est le déjà. Le pas encore n'est pas arrivé, mais le déjà est arrivé. Déjà, maintenant est arrivé le salut ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu. Car il a été précipité. Qui? L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, notre Dieu jour et nuit. Comment est-ce que ces chrétiens, nos frères, ont vaincu? Trois points. Numéro un, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Numéro deux, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Troisièmement, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre, c'est-à-dire parce qu'il a été chassé des cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Donc, comme Hitler, après Jéjour, dont nous avons parlé hier, ce n'est pas comme s'il voulait dire, « Oups, je me suis trompé, est-ce que je peux avoir la paix maintenant? » Mais il est rempli de fureur, précisément parce qu'il sait que son temps est court. Vous voyez? Et donc, à cause de cela, il y a la persécution contre la descendance de cette femme, c'est-à-dire contre les chrétiens. Versets 13 à 18, ça c'est tout le point de ce chapitre. À cause du fait qu'il a été déjà vaincu, il est rempli de fureur, sachant qu'il a peu de temps, et donc il persécute les chrétiens. Ça, c'est le point. Comment donc doivent les chrétiens réagir? Comment est-ce qu'ils peuvent gagner? Comment est-ce qu'ils peuvent, dans leurs expériences, vaincre le Satan? Verset 11, trois points. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. On revient à l'Évangile. On revient à la croix. On revient à Jésus. Encore, il ne faut pas penser que le sang est une liquide mystique ou magique. On cite le sang, puis tout d'un coup, il y a une puissance formidable. Comme si il faut avoir exactement le bon abracadabra, exactement le bon cliché pour gagner. Ça, ce n'est pas le point. Mais lui, le diable, il est l'accusateur des frères. Il nous condamne devant Dieu, devant nos propres consciences. Comment est-ce que nous pouvons survivre cela? Par le sang de l'agneau. Des fois, le diable veut nous battre, veut nous jeter dans le désespoir quand nous nous souvenons de nos péchés. Comment le vaincre? Oh, mais je ne suis pas aussi pire que cela. Est-ce que ça aide? Quand quelqu'un vient me voir et pour me dire qu'il est découragé à cause de ses péchés et il ne sait pas quoi faire avec ses péchés, il est souvent découragé, il ne peut presque pas prier. Je ne commence jamais avec une parole qui l'assure, « Oh, tu n'es pas aussi méchant que quelques personnes que je connais. » Je lui dis toujours, « Tu es beaucoup plus méchant que tu penses. » Toujours. C'est la première chose que je dis. Toujours. Parce que c'est vrai. Et en fin de compte, la seule paix qu'on peut trouver, c'est la paix gagnée par le prix du sang de Jésus. Il est tellement en train de se regarder qu'il ne regarde pas le sang de Jésus. Nous pouvons vaincre le diable, pas parce que nous sommes mieux que nos gens dans l'Église, dans nos membres de l'Église, mais parce que nous avons confiance dans la mort de Jésus. C'est une confiance évangélique. Ça revient à l'Évangile. Ça revient à la croix. Et ensuite, ça c'est la première manière par laquelle ces chrétiens peuvent vaincre le diable. Deuxièmement, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Ça ne veut pas dire qu'ils ont donné leur témoignage. Ce n'est pas ça du tout. C'est le mot témoignage ici qui est un peu ambigu. C'est-à-dire, il rend témoignage à Christ. Il rend témoignage à ce qu'il a fait, à ce qu'il a fait sur la croix, à ce qu'il a fait dans leur vie. Mais surtout, c'est un témoignage public de ce que Christ a fait, vous voyez? Donc, c'est l'annonce de l'Évangile. C'est ça que ça signalait dans le premier siècle. C'est-à-dire, ils peuvent vaincre le diable en annonçant l'Évangile. Comment y a-t-il d'autres manières de le vaincre? Faire partir une armée? Tuer les Saracens? Non, c'est par la prédication de l'Évangile. Et supposons qu'il y a grande opposition. Eh bien, nous arrivons au troisième point. ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. C'est-à-dire, ils ont pris leur croix, ils ont porté leur croix. Ça revient encore à l'enseignement de Jésus dans Matthieu 16 et des passages semblables, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un chrétien qui n'a pas peur de la mort? Comment est-ce qu'on va l'arrêter? Le tuer? Donc, il entre dans la gloire. C'est difficile d'arrêter un mouvement comme cela, vous savez. Mais si, au contraire, les chrétiens sont tellement sensibles aux honneurs du monde, à la bien-pensée du monde, à être approuvé par le monde, donc il n'y aura pas de courage. Souvent, il n'y aura pas vraiment une prédication fidèle, un témoignage fidèle en ce qui concerne l'Évangile. Peut-être ils vont se fier réellement au sang de Jésus dans leur vie individuelle, mais comment vaincre le diable en France ou en Suisse? C'est toujours les mêmes choses, le sang de Jésus, c'est-à-dire l'Évangile. Le témoignage en ce qui concerne Jésus-Christ, encore l'Évangile, et prendre sa croix à cause de l'Évangile. Ce sont les choses pas mal centrales, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre manière que cela. Qui présuppose encore de nouveau la persécution? En général, ce n'est pas toujours le fait, mais en général, quand le Nouveau Testament parle de la souffrance des chrétiens, en général, pas toujours, mais dans la majorité des cas, c'est la souffrance à cause de la persécution. Ce n'est pas la souffrance à cause du cancer ou la souffrance à cause de tragédie ou à cause d'un orage ou à cause de la peste ou ainsi de suite. Il y a quelques instants de cela, oui. S'y inclut le livre de l'Apocalypse, où encore il faut reconnaître que Dieu est souverain, il y a le mystère de la providence. Jésus-Christ lui-même a mentionné le tour qui est tombé, a tué 18 personnes. Ce n'était pas la persécution, cela. Donc, il y a ces passages. Et la liste de souffrances que Paul a mentionnées, que nous avons lues hier soir, de 2 Corinthiens chapitre 4, quand mon épouse était si faible, elle a écrit cette liste sur une feuille de papier, puis elle l'a attachée sur la porte de notre frigidaire pour lire chaque jour, mais pas en désespoir. Parce que la liste contient des choses qui sont liées, oui, à la persécution, mais ça inclut d'autres choses aussi, vous voyez? Mais en général, pour la plupart, les souffrances soulignées surtout dans le Nouveau Testament sont les souffrances qui sont le résultat de notre position chrétienne. Et grâce à Dieu, nous vivons en général dans les pays de l'Ouest, soit en Suisse, soit en France, soit au Portugal, en Angleterre, l'Amérique, le Canada, en général. Nous avons grande liberté, mais à travers l'histoire de l'Église, en comparaison avec tout ce que nous voyons dans le monde, c'est plutôt rare. Et même ici, des fois, la forme de persécution, ce n'est pas le prison, mais c'est quand même des insultes. Essayer de nous mettre aux marges, qui arrive assez souvent, n'est-ce pas? Réjouissez-vous. C'est une honneur. Vous voyez? Mais à la fois, il faut se souvenir du fait que, à travers les derniers 150 ans, dernier siècle et demi, nous avons subi plus de martyrs que dans les 1800 ans avant cela. Et si le même nombre de martyrs chrétiens qui ont été tués à travers la dernière décennie si la même proportion continuait à pour tous chrétiens qui sont vivants aujourd'hui, ça signalerait que 1 sur 200 de tous chrétiens qui sont vivants aujourd'hui vont mourir par la persécution, va devenir martyr. Donc, au centre évangélique, au mois de novembre, quoi? 600 chrétiens? Ça veut dire 3 deviendront martyrs. Mais il n'y a pas une distribution égale. Je le sais. Mais c'est comme ça qu'il faut penser pour comprendre comment cette vision de réalité. Et ça, c'est la souffrance jusqu'à la mort. Il y a bien d'autres souffrances à part de devenir martyr. C'est pour vous rassurer que ce n'est pas tout simplement pour d'autres personnes ou dans un autre âge. Ou c'est plutôt assez rare. Non, à travers l'histoire, à travers le monde, c'est tout à fait naturel. À moins que nous apprécions cette vision de la réalité, nous n'allons pas comprendre la force, la puissance, la haine du diable. Ce qui est intéressant, c'est que dans chapitre 13, la première bête procède avec violence et persécution. La deuxième bête procède avec la fausse doctrine. Parce que des fois, le diable, il est comme un lion qui nous dévore. Et des fois, il est comme un ange de lumière. Mais les résultats sont les mêmes. Donc, nous lisons dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme en la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. » Maintenant, je pense qu'on va prendre la pause maintenant. C'est 5 minutes plus tôt, mais on va revenir 5 minutes de bonheur, parce que c'est une bonne place pour s'arrêter. Et après cela, j'ai quelques autres choses à dire et nous aurons aussi un peu de temps pour des questions et des remarques à la fin.